les airs respirent, les tambours sont vivants. Nous marchons dans le sable au rythme des tambours oubliés. Le ver entend, Riederskill répond. Et dans le silence brûlant, je suis encore là.